Chapitre 210. Le mérite du vendredi est l'obligation d'assister à la prière du vendredi après avoir fait un roussel et s'être parfumé. La recommandation d'aller tôt à la mosquée, d'invoquer Allah à un moment précis où les prières sont exaucées, de prier sur le prophète et de multiplier le dhikr après la prière. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Sourate 62, verset 10. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le meilleur jour est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, qu'il entra au paradis, puis qu'il en fut chassé. » Muslim. 1148. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque effectue ses ablutions avec soin pour ensuite aller assister à la prière du vendredi dont il écoute le prêche, la khutbah, avec attention et en silence, verra ses péchés commis d'un vendredi à l'autre, auxquels s'ajoutent 3 jours, effacés. Quant à celui qui s'est laissé distraire par les graviers, c'est comme s'il avait passé son temps à parler inutilement. » Muslim. 1149. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi, Jumu'ah, à la suivante, le jeûne du mois de Ramadan au suivant, effacent les péchés commis entre eux, excepté les péchés majeurs. » Muslim. 1150. Abu Huraira et Ibn Omar, radiyallahu anhum, rapportent tous les deux avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire du haut du mimbar « Certains devraient cesser de manquer les prières du vendredi, ou alors Allah apposera un sceau sur leur cœur, les plaçant ainsi parmi ceux qui négligent l'évocation d'Allah. » Muslim. 1151. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit effectuer les grandes ablutions, rusl, avant de venir à la prière du vendredi. Al-Bukhari et Muslim. 1152. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les grandes ablutions, rusl, pour la prière du vendredi, sont obligatoires pour toute personne pubère. » Al-Bukhari et Muslim. L'obligation ici n'est pas formelle, elle n'est imposée qu'à celui qui en est capable. Cela équivaut par exemple à dire à son ami « C'est un devoir pour moi de t'accorder tes droits. » Mais Allah est le plus savant. 1153. Selon Samura, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui effectue les petites ablutions, wudu, pour la prière du vendredi, c'est bien. Mais s'il fait les grandes ablutions, rusl, c'est mieux. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1154. D'après Abu Abdillah Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque effectue le jour du vendredi les grandes ablutions, rusl, en se purifiant autant qu'il peut, puis s'applique de l'huile sur le corps ou les cheveux, ou du parfum qui se trouve chez lui, et va à la mosquée où il s'abstient de séparer les gens pour passer ou s'asseoir entre eux, puis accomplit ce qui lui a été destiné comme prière, et enfin écoute attentivement et silencieusement le prêche de l'imam, verra ses péchés commis depuis le vendredi précédent effacés. » Al-Bukhari. 1155. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui, le jour du vendredi, effectue les grandes ablutions, rusl, comme il le ferait pour la janaba, impureté majeure, puis se rend à la mosquée à la première heure, est considéré comme ayant fait l'offrande d'un chameau. Celui qui s'y rend à la deuxième heure est considéré comme ayant fait l'offrande d'une vache. Celui qui s'y rend à la troisième heure est considéré comme ayant fait l'offrande d'un bélier cornu. Celui qui s'y rend à la quatrième heure est considéré comme ayant fait l'offrande d'une poule. Et celui qui s'y rend à la cinquième heure est considéré comme ayant fait l'offrande d'un œuf. Puis lorsque l'imam arrive pour monter sur le mimbar, les anges viennent pour écouter le prêche. Al-Bukhari et Muslim. 1156. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, évoqua le jour du vendredi en ces termes. Il y a au cours de cette journée une heure durant laquelle tout musulman qui se trouve debout en prière et qui invoque Allah est exaucé dans sa demande. Puis il indiqua de la main, alayhi salatu wassalam, combien cette période était courte. Al-Bukhari et Muslim. 1157. Abu Burda, le fils d'Abu Musa al-Ash'ari, rapporte qu'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhum, lui a demandé: as-tu entendu ton père mentionner des paroles du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au sujet de l'heure au cours de laquelle les invocations sont exaucées le jour du vendredi? Oui, répondit Abu Burda. Je l'ai entendu dire qu'il avait entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: elle commence au moment où l'imam s'assied sur le mimbar et s'achève avec la fin de la salat. Muslim. 1158. Selon Aous ibn Aous, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le vendredi fait partie des meilleurs jours. Multipliez-y donc vos prières sur moi, elles me sont en effet présentées. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentique.